fuese tradita. Amor, c'est tout dire en ne disant presque rien. Amor, c'est tenir une autre main dans sa main. C'est voir revenir celui qu'on aime un matin. Et c'est un sourire qu'on danse en dos. Amor, amor, amor. Les amoureux n'ont rien de mieux comme poète. De dire je t'aime. Amour d'enfance. Amour, amour, amour. Notre vie tient dans le refrain d'une romance. Se traduire. Ah.